Lénore, de Gottfried August Bürger. Aux premières lueurs du matin, Lénore, fatiguée de rêves lugubres, s'élance de son lit. Es-tu infidèle, Wilhelm ? Où es-tu mort ? Tarderas-tu longtemps encore ? Il avait suivi l'armée du roi Frédéric à la bataille de Prague et n'avait rien écrit pour rassurer son ami. Lassés de leur longue querelle, le roi et l'impératrice revinrent de leurs prétentions et conclurent enfin la paix. Couronnés de verts feuillages, chaque armée retourna en chantant dans ses foyers au son joyeux des fanfares et des timbales. De tous côtés, sur les chemins et sur les ponts, jeunes et vieux se portaient en foule à leur rencontre. « Dieu soit loué !» s'écriait plus d'une épouse. « Sois le bienvenu !» disait plus d'une fiancée. Lénore seule attendait le baiser du retour. Elle parcourt les rangs, elle les monte, elle les redescend, elle interroge, hélas, en vain. Dans cette foule innombrable, personne ne peut lui donner de réponse certaine. Déjà tous sont éloignés. Alors elle arrache ses beaux cheveux et se roule à terre dans le délire de désespoir. Sa mère s'approche. « Tu as pitié de toi, ma pauvre enfant. » Et la serrant dans ses bras, elle lui demandait la cause de sa douleur. « Oh ma mère, il est mort, mort. Périsse le monde et tout ce qu'il renferme. Dieu est sans pitié. Malédiction sur moi, malheureuse que je suis. Que Dieu nous aide, ma fille, implore sa bonté. Ce qu'il fait, bien fait, et jamais il ne nous abandonne. Oh ma mère, c'est une vaine illusion. Dieu m'a abandonnée. Mes prières sont restées inutiles. À quoi serviraient-elles maintenant ? Que Dieu nous aide. Celui qui connaît sa puissance sait qu'il peut nous secourir jusque dans les enfers. Sa sainte parole calmera tes douleurs. Oh ma mère, la douleur qui me tue, aucune parole ne pourra la calmer. Aucune parole ne peut rendre la vie aux morts. Écoute, mon enfant, peut-être le perfide a-t-il trahi sa foi pour une fille de la lointaine Hongrie. Efface-le de ton souvenir. Il ne sera jamais heureux, et à l'heure de la mort, il sentira le châtiment de son parjure. Oh ma mère, les morts sont morts, et ce qui est perdu est perdu. La mort, voilà mon lot. Oh, que je voudrais n'être pas née. Éteins-toi pour toujours, flambeau de ma vie, que je meure dans l'horreur et dans les ténèbres. Dieu est sans pitié. Malédiction sur moi, malheureuse que je suis. Mon Dieu, ayez pitié de nous. N'entrez pas en jugement avec ma pauvre enfant. Ne comptez pas ses péchés. Elle ne sait pas quelles sont ses paroles. Oh ma fille, oublie les souffrances de ce monde. Pense à Dieu, à la félicité éternelle. Au moins ton âme immortelle ne restera pas dans le veuvage. Oh ma mère, qu'est-ce que la félicité ? Qu'est-ce que l'enfer ? Avec Wilhelm est la félicité. Sans Wilhelm est l'enfer. Éteins-toi pour toujours, flambeau de ma vie, que je meure dans l'horreur et dans les ténèbres. Dieu est sans pitié. Malédiction sur moi, malheureuse que je suis. Ainsi, la douleur ravage son cœur et son âme et lui fait insulter à la divine providence. Elle se meurtrit le sein et se tord les bras. Cependant, les astres de la nuit s'élevaient lentement sur la voûte du ciel. Mais écoutez, voilà qu'au dehors retentit comme le galop d'un cheval. Il semble qu'un cavalier en descend avec bruit au bas de l'escalier. Écoutez, la sonnette a tinté doucement, et voilà qu'à travers la porte, une voix fait entendre les paroles suivantes. « Ouvre, mon enfant. Dors-tu, mon ami ? Ou es-tu éveillé ? Penses-tu encore à moi ? Es-tu dans la joie ou dans les larmes ? Ah, Wilhelm, est-ce toi ? Si tard dans la nuit ? Je veillais, je pleurais. Ah, j'ai bien souffert. D'où viens-tu donc sur ton cheval à cette heure ? Nous ne montons nos coursiers qu'à minuit. J'arrive du fond de la Bohême. Tard, je me suis mise en route. Et je viens te chercher pour te prendre avec moi. Oh, Wilhelm, entre d'abord que je te réchauffe dans mes bras. Entends-tu le bruit du vent dans la forêt ? Laisse l'aquilon mugir dans la forêt, enfant. Laisse-le mugir. Le coursier frappe la terre, les éperons résonnent. Je ne puis demeurer ici. Viens, chausse-toi, saute en croupe derrière moi. Il me faut faire encore 100 lieues aujourd'hui pour me précipiter avec toi aux lits nuptiales. Comment veux-tu que nous fassions aujourd'hui 100 lieues pour aller au lit de noces? Écoute, la cloche qui a sonné 11 heures vibre encore. Regarde, la lune est claire et brillante. Nous et les morts, nous allons vite. Je te promets de te mener aujourd'hui même au lit nuptial. Dis-moi où est ta demeure et comment est ton lit de noces? Loin, bien loin d'ici. Étroit, humide et silencieux. 6 planches et 2 planchettes. Y a-t-il de la place pour toi et pour moi? Pour toi et pour moi. Viens, chausse-toi et monte en croupe. La chambre nuptiale est ouverte. Les conviés nous attendent. La jeune fille se chausse et saute avec agilité sur le cheval. Elle enlace ses blanches mains autour de celui qu'elle aime et il s'élance avec le bruit et la rapidité de la tempête. Le cheval et le cavalier respiraient à peine. Les pierres étincelaient sous leurs pas. Oh, comme à gauche et à droite disparurent à leurs yeux les prairies, les plaines et les campagnes, comme les ponts retentirent à leur passage. A-t-elle peur, mon ami? La lune est brillante. Hurrah, les morts vont vite. A-t-elle peur des morts? Oh non, mais laisse les morts en repos. Quelles sont ces voix lugubres? Où volent ces corbeaux? Écoutez, c'est le glas des cloches et l'hymne des funérailles. Laissez-nous ensevelir ce corps. Et de plus en plus approchait le convoi funèbre. Déjà on distinguait la bière et le chant semblait les accents sinistres des habitants des marais. Après minuit, vous ensevelirez ce corps avec vos chants et vos plaintes. Maintenant, je conduis chez moi ma fiancée. Venez assister au banquet. Viens, chantre, viens avec le cœur et entonne l'hymne du mariage. Prêtre, viens aussi. Tu prononceras la bénédiction quand nous entrerons au lit nuptial. Le chant funèbre a cessé. La bière a disparu. Obéissant à sa voix, le convoi part à leur suite. Hurrah ! Hurrah ! Ils sont presque sur les pieds du cheval et ils s'élancent avec le bruit et la rapidité de la tempête. Le cheval et le cavalier respiraient à peine. Les pierres étincelaient sous leurs pas. Oh, comme s'envolèrent à gauche et à droite les montagnes et les forêts, les buissons et les campagnes, les hameaux et les villes. Crains-tu, mon ami? La lune est brillante. Hurrah, les morts vont vite. A-t-elle peur des morts? On laisse donc les morts en repos. Vois-tu auprès de ces potences, ces fantômes aériens, demi-visibles, à la pâle clarté de la lune? Ils dansent autour de la roue. Ici, troupe vile et infâme, suivez-nous. Dansez la danse des noces. Nous allons au lit nuptial. Et la foule des esprits s'élance après eux, avec des cris et un bruit semblable à celui de l'ouragan dans les bruyères desséchées. Et ils allaient toujours au galop avec le fracas et la rapidité de la tempête. Le cheval et le cavalier respiraient à peine. Les pierres étincelaient sous leurs pas. Oh, comme s'envolait au loin tout ce que la lune éclairait autour d'eux. Comme le ciel et les astres glissaient au-dessus de leur tête. A-t-elle peur, mon ami? La lune est brillante. Hurrah, les morts vont vite. A-t-elle peur des morts? Oh mon Dieu, laisse donc les morts en repos. Mon cheval noir, il me semble entendre déjà le chant du coq. Bientôt le sablier sera écoulé. Mon noir, je sens l'air du matin. Dépêche-toi, hâte-toi. Fini est notre course. Le lit nuptial s'ouvre pour nous. Les morts vont vite, nous voici arrivés. Il s'élance à bride abattue contre une grille de fer. De sa houssine légère, il frappe. Les verrous se brisent et les 2 battants s'ouvrent avec fracas. Leur élan rapide les emporte par-delà les tombes qui apparaissent de tous côtés à la clarté de la lune. Mais voyez, au même instant, Dieu, quel affreux miracle! Le manteau du cavalier tombe en poussière. Sa tête est changée en une tête de mort décharnée. Son corps est un squelette armé d'une faux et d'un sablier. Le cheval noir se cabre, furieux. Il hennit, vomit des flammes et s'abîme dans de sombres profondeurs. Des hurlements descendent des sphères célestes. Des gémissements sortent du fond des tombes. Le cœur de Lénore palpitait avec angoisse entre la vie et la mort. Alors, à la lueur de l'astre nocturne, et se tenant par la main, dansèrent en rond autour d'elle de pâles fantômes, et ils entonnèrent l'hymne suivante. « Patience, patience, si la douleur brise ton cœur, ne blasphème jamais le Dieu du ciel. Ton corps est délivré. Tu aies pitié de ton âme.